Je veux voir téléphone à 20 piges, gueuler sur du noir désir, avant leur guerre médiatique et leurs enjeux politiques. Souviens-toi, c'est pas si vieux, des fleurs dans nos cheveux, à Woodstock dans le public, entrant sur du Hendrix. Plus de James Dean dans l'histoire, plus de Marilyn en blanc et noir, plus de James Dean dans l'histoire, plus de Marilyn en blanc et noir. J'aurais voulu voir Brassens, Marley Brel ou Gandhi. J'aurais voulu connaître le père de mon père, c'est ainsi. Je suis né il y a peu, dans une époque obscène. Toi le 68 art, j'aurais voulu connaître la tienne. Plus d'hommes de paix dans les mémoires, plus de chansons pleines d'espoir, plus d'hommes de paix dans les mémoires, plus de chansons pleines d'espoir. Je n'ai pas connu la révolte d'une jeunesse essoufflée. Je voudrais être un enfant de Woodstock pour pouvoir encore rêver. Ou un pavé dans la main, à bâtir le monde de demain, renverser la vapeur, arrêter de parler de couleurs. Plus de James Dean dans l'histoire, plus de Marilyn en blanc et noir, plus d'hommes de paix dans les mémoires, plus de chansons pleines d'espoir, plus de James Dean dans l'histoire, plus de Marilyn en blanc et noir, plus d'hommes de paix dans les mémoires, plus de chansons pleines d'espoir.